Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez ? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Des forfaits Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix ! 10 euros par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis ! Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Deuxième temps de notre série sur les sociétés face aux épidémies. Ce matin, émission d'archives sur la grande grippe dite espagnole de 1918-1919. Hier, avec Anne-Marie Moulin, nous nous sommes interrogés sur la façon dont les épidémies d'hier nous permettaient de penser celles d'aujourd'hui et de demain. Ce matin, dans notre émission d'archives du mardi, et grâce à des textes qui seront choisis par Séverine Yattard, qui co-animera cette émission avec moi, et lus par Nathalie Canoui, nous allons passer à un cas d'espèce, celui de la grippe espagnole qui tua 50 à 100 millions d'individus en 1918-1919. Nous en parlerons en compagnie de Frédéric Vagneron, il est historien, chercheur à l'université de Zurich, et de Freddy Vinet, il est professeur à l'université Paul-Valéry Montpellier III, et il vient de publier aux éditions Vendémiaire La Grande Grippe 1918, la pire épidémie du siècle. Le grand professeur de médecine Robert Debré, en 1973. Sur ce fond de grippe ordinaire éclatent des grippes pandémiques. Il faut dire pandémiques, ça veut dire qu'elles atteignent toute la Terre. C'est une maladie extraordinaire qui, quand il y a une épidémie, cette épidémie couvre tous les pays. Alors on les connaît dans l'histoire de la médecine. Il y a eu 3-4 épidémies au XVIe siècle, une très grande décrite par Sydenham au XVIIIe, et à l'époque contemporaine, une grande grippe en 89, une terrible grippe en 18, et une épidémie moins sévère en 57. Vous voyez, de temps en temps, la Terre est ravagée par la grippe. En 18, il y a eu combien de morts ? Oh, on dit, c'est impossible à dire naturellement, mais on parle de 15 millions, de 20 millions de morts. On a dit, je crois que c'est vrai, que la grippe de 18 avait tué encore plus d'hommes que la guerre qui pourtant avait été terriblement meurtrière, comme vous savez. C'est très, très important à connaître, parce que lorsqu'on nous dit « Oh, ben vous guérissez toutes les maladies maintenant, vous avez des vaccins, vous avez des médicaments très efficaces, mais un beau jour, est-ce que nous n'allons pas avoir une maladie infectieuse dont vous ne serez pas les maîtres et qui va arriver ?» Eh bien, cette crainte, elle répond précisément à la possibilité d'épidémies de grippe, de vraies épidémies de grippe, comme cette terrible de 18 dont j'ai un souvenir épouvantable. Comment ça se passait en 18? Vous étiez au front. Ça se passait très mal. Oui. Que faisait le médecin à ce moment-là, alors? Oh, il faisait ce qu'il pouvait. Vraiment, j'ai des souvenirs vraiment pénibles et affreux quand vous me faites évoquer ce temps. Parce que, à cette époque, j'étais jeune médecin, et bien entendu aux armées, et j'ai vu mes camarades et soldats qui avaient pu résister à tant de fusillades et de bombardements et de la guerre, terrassés par la grippe et avec des complications pulmonaires très graves. Et nous n'avions pas vraiment de médicaments actifs. Vous savez, on soutenait le cœur avec de l'huile camphrée, de la digitale, on faisait respirer l'oxygène, ce qui ne sert pas à grand-chose. Nous avions des moyens très, très mesquins, très faibles pour lutter, et nous étions vraiment malheureux. Voilà donc ce témoignage en 1973 du grand professeur de médecine Robert Debré à propos de cette grippe espagnole qui va nous occuper avec vous. Séverine Yattard, bonjour. Bonjour. Et avec vous également Freddy Vinet, vous êtes en duplex depuis les studios de Montpellier qui vous accueille. Vous m'entendez, Frédéric Vinet ? Oui, oui, je vous entends bien. Bonjour. Très bien. Bonjour. Et vous, donc Frédéric Vanneron, c'est vous qui nous avez suggéré de d'utiliser cette archive que vous avez utilisée vous-même dans votre propre travail de thèse, car elle est assez symptomatique d'un moment, pourrait-on dire. On est en 1973, voici le temps des témoins, ils ne sont pas encore tous morts, ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, et le professeur Robert Debray se souvient de son passage en tant que jeune médecin aux armées. Tout est daté dans cette archive. Le nombre de morts, 15 à 20 millions, dit-il. Aujourd'hui, on dit 50 à 100 millions. La façon dont ça s'est développé, ces jeunes et beaux garçons des armées qui ont été fauchés après avoir survécu tout au long de la guerre à ce terrible conflit, etc., etc. Frédéric Vanneron. Bonjour, tout d'abord. Oui, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce passage de ce documentaire, c'est ce contraste entre la mémoire et l'émotion, 50 ans plus tard, de Robert Debray, qui se rappelle ses années de médecin militaire pendant la Grande Guerre, et en même temps, dans le cadre de cette émission télévisuelle, les nouveaux savoirs qui sont décrits sur la virologie de la grippe, et donc ce télescopage entre la ce mémoire qu'il savait à l'époque. Exactement, et ce qu'on sait désormais au milieu des années 70. Ouais, et comme vous le disiez, c'est aussi intéressant de voir que le bilan démographique au milieu des années 70 est encore évalué finalement un peu de la même manière que juste après la Grande Guerre et après l'épidémie de grippe espagnole. 15 millions, 30 millions, un chiffre qui va ensuite beaucoup croître jusqu'à arriver au chiffre que vous évoquiez de 2002 de 50 à 100 millions de morts. Cyril Niatta. Et en même temps, ce témoignage semble un peu paradoxal par rapport à ce que vous étudiez, par exemple Frédéric Vanneron, ce que vous dites dans votre article sur l'historiographie de cette grippe espagnole, parce que il semblerait que c'est un événement qui a été un petit peu oublié, qui n'est pas vraiment ancré dans la mémoire collective. Et là, on a le témoignage d'un individu dont la mémoire est très vive hein, finalement par rapport à cet événement dramatique. Alors, je pense que ce qui est intéressant de garder en tête, c'est cette idée qu'il y a une mémoire des acteurs, de témoins, et il y a le travail historiographique, le travail des historiens. Et ce travail des historiens, en fait, il va commencer réellement à partir des années 70. Et il y a un développement de l'historiographie sur la grippe espagnole, notamment avec un travail en 1976 d'un Américain, Alfred Crosby, qui va traiter de la grippe espagnole et de l'expérience de la grippe aux États-Unis. En 1976, le livre est intitulé « Epidemic and Peace » et il va être réédité 15 ans plus tard. Et désormais, le titre va être « The Forgotten Pandemic ». L'oubli de la pandémie. D'ailleurs, cette question de pandémie ou d'épidémie, c'est une question intéressante puisque nous en avons parlé hier avec Anne-Marie Moulin. Y a-t-il une différence quand on parle de pandémie ou d'épidémie? Et de toute façon, cette épidémie de grippe espagnole, c'est une pandémie au sens propre du terme, pourrait-on dire, à savoir, elle s'est répandue sur l'ensemble de la planète, Frédéric Vanneron. Alors il y a une définition évidemment qui est de l'ordre de la géographie. L'épidémie, c'est une maladie qui va se développer dans une population, dans un espace relativement étendu, alors que la pandémie va être à une échelle supérieure et va se développer à l'échelle mondiale justement. Et justement, on ne prend pas la mesure tout de suite de la pandémie, les contemporains. Est-ce qu'ils ont cette mesure-là, Frédéric Vanneron? Là, on est dans le contraste entre effectivement la manière dont en 1918 on va connaître l'information sur l'épidémie. Et donc on va, en fonction de la circulation de l'information, savoir qu'elle s'est diffusée non seulement dans un espace particulier, par exemple en France, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Océanie. Ça, c'est une manière de définir, grâce à l'information, ce que c'est que l'épidémie ou la pandémie. Ça a été aussi un des grands problèmes qu'il y a eu très récemment, avec la grippe de 2009, où on a eu un conflit dans les définitions de la pandémie, puisque l'OMS parlait de la pandémie à partir du moment où c'était un nouveau virus. Frédéric Vanneron, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « La grande grippe, 1918, la pire épidémie du siècle » chez Vendémiaire. Et déjà, il faut peut-être partir du terme qui est impropre de grippe espagnole, même si on l'appelle « Spanish flu » dans les pays anglo-saxons, et si elle est appelée ainsi dans le monde entier ou presque, cette grippe n'est pas espagnole. On l'a cru espagnole. Comment se fait-il qu'elle ait porté ce qualificatif qui est impropre, en l'occurrence, Frédéric Vanneron? Alors, a priori, Le qualificatif espagnol, il vient du fait que, en fait, la presse espagnole, à l'époque, était relativement libre. L'Espagne n'était pas en guerre. Et donc, les journaux espagnols ont très vite parlé de la grippe, les premiers, lors de la première vague, c'est-à-dire en mai. À partir du mois de mai 1918, les premières traces apparaissent dans les journaux espagnols le 22 mai. Mmh. Et ensuite, c'est repris par les journaux anglais, français, etc. Et dès la fin juin, on voit que le terme Spanish flu en Angleterre ou grippe espagnole se stabilise, même s'il y a d'autres origines. On parle de la grippe allemande aussi, de la grippe argentine dans certains pays. Enfin, mais ça se stabilise très rapidement et le terme devient consacré à partir du juillet-août. C'est un terme faux, naturellement, parce que l'origine n'est absolument pas espagnole, mais ça se stabilise comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on appellera cela toujours la grippe espagnole jusqu'à aujourd'hui, et c'est une façon, d'une certaine façon, de la distinguer des autres grandes épidémies de grippe qui ont pu survenir, soit à la fin du 19e siècle, soit tout au long du 20e siècle. Il y en a eu d'autres et qu'on a appelées grippe de Hong Kong ou grippe asiatique, c'est cela, Frédéric? Oui, puis il y a eu la grippe russe que Monsieur Vanneron connaît très bien, la grippe russe de 1889-90, qui était le précédent en termes de pandémie. Et d'ailleurs, justement, Frédéric Vanneron, vous voulez rajouter quelque chose, Frédéric? Oui. Non, mais je ne sais pas si on reviendra sur l'oubli de la grippe espagnole, mais ça me semble un point fondamental, c'est-à-dire de réfléchir aussi pourquoi ce fait a été oublié dans l'histoire. Et je confirme tout à fait ce que dit Monsieur Vanneron. On est vraiment devant un fait majeur, avec un bilan terrible, avec énormément de victimes, de conséquences sur la société, et finalement une restitution mémorielle qui est vraiment très faible. On en parle très peu, à part votre émission, quelques articles dans les journaux. On a déjà fait une émission il y a quelques temps sur le sujet. Mais par rapport à la Première Guerre mondiale, à la victoire, on est clairement dans l'ombre de la commémoration de la victoire de 1918. Frédéric Vanneron, sur ce point. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui est aussi lié à ce que disait Robert Debré, c'est cette question de la variabilité de la grippe. Que la grippe est à la fois une maladie commune, hivernale, qui ne provoque aucune peur parmi les populations et même dans le corps médical. Et puis, à des moments, c'est ce que dit Debré, des ravages, donc un nouveau phénomène, avec l'apparition donc d'une grippe pandémique. Et c'est cette difficulté à essayer de dissocier ce qui relève de la grippe saisonnière ou ce qui relève de la grippe pandémique qui est très intéressant. Et pourtant, vous dites bien, Frédéric Vanneron, et vous le faites dans votre travail, il faut étudier cette grippe dans la continuité, peut-être avec celle de 1889-1890. Il y avait eu cette expérience-là, très peu de temps auparavant, et il semblerait qu'elle n'ait pas servi de leçon, même si elle a été moins grave, évidemment. Mais alors, je pense que, d'une part, la grippe de 18 est un événement exceptionnel. Mais effectivement, c'est pas un événement qui est sans précédent. Et un certain nombre des médecins, notamment, et dans la population aussi, en 1918, un certain nombre de personnes se rappellent, avec une mémoire très vivace, un peu à l'image de celle de Robert Debré, de l'épidémie qui a eu lieu en 1889-90, dite épidémie de grippe russe, et en l'occurrence en raison des informations, c'est le début de l'information télégraphique, de la presse dite d'information, et très rapidement, on va avoir des informations sur une épidémie à Saint-Pétersbourg en novembre-décembre 1889. 90. Et à partir de ce moment-là, cette nouvelle va se propager à travers la planète et va devenir, d'une certaine façon, une sorte de norme pour la grippe qui surviendra quelques temps plus tard, en 1918, c'est ça? Le rôle de l'information est extrêmement important dans la définition et dans l'alerte face à une épidémie ou une pandémie. Évidemment, le contexte de la Grande Guerre en 1918 change complètement la donne puisqu'il y a un contrôle de l'information. Exactement. Alors justement, nous sommes en 1918. Un extrait du Petit Journal daté du 13 octobre 1918, lu par Nathalie Canouille. Conseil à la population. Dans sa dernière séance, le Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine a chargé le comité permanent des épidémies de rédiger les conseils qui pourraient être donnés à la population. Le comité permanent, sous la présidence de M. le Dr Roux, directeur de l'Institut Pasteur, a approuvé à l'unanimité le texte suivant. La grippe se transmet directement du malade à l'individu par l'intermédiaire du mucus nasal et des particules de salive projetées en toussant ou en parlant, ou encore par les mains souillées de salive. On doit donc éviter, quand il n'y a pas de nécessité, le contact avec les personnes malades. Il faut par conséquent isoler celles-ci dès le début de leur maladie. L'isolement sera réalisé suivant les dispositions des logements. S'il y a plusieurs pièces, on choisit celle qui n'est pas commandée par les autres et on y isole le grippé. S'il n'y a qu'une chambre à coucher, on isole le lit du malade avec des paravents ou des draps tendus sur des cordes. L'agent de la contagion ne se propageant guère à distance, il n'y aura à désinfecter que les objets à proximité du malade et à son usage. Lorsque l'isolement à domicile n'est pas possible, transportez le malade à l'hôpital. Il est recommandé de se laver les mains et de se rincer la bouche chaque fois que l'on a donné des soins à un grippé. Lorsqu'il s'agira de cas particulièrement graves, il sera utile de placer une compresse protectrice devant le nez et la bouche. Alors quand ce texte est écrit dans le Petit Journal le 13 octobre 1918 et publié pour information à tous les Parisiens, en l'occurrence Freddy Vinet, ça n'est pas la première attaque de grippe puisque nous sommes en octobre et il y a eu déjà une première attaque au printemps précédent, ce qui était assez exceptionnel. Ça n'est pas la grippe saisonnière, pourrait-on dire, qui a frappé au printemps et d'une certaine façon, la moindre prise en compte de ce moment du printemps 1918 a été importante dans la surprise qui a étreint tous les spécialistes de médecine à partir du mois de septembre 1918. Freddy Vinet. Oui, effectivement, il y a une première vague de grippe à partir. Alors, les premiers cas sont signalés dans l'armée. On les suit bien pour l'armée. Les premiers cas sont signalés au mois d'avril 1918 dans l'armée française. Et puis ensuite, on a un pic en termes de nombre de malades en mai-juin. Et puis, ça semble se résorber en juillet-août. Et la seconde caractéristique de cette première vague, c'est qu'il y a une forte morbidité, c'est-à-dire beaucoup de malades, mais peu de létalité. Peu de décès finalement, peu de décès, il y a peu de morts, quelques personnes fragiles, mais somme toute assez peu de décès. Et puis ça se réactive finalement dès le mois d'août, on le voit très bien dans les archives des hôpitaux, dès la mi-août, le nombre des cas mortels augmente. Et donc, malgré l'optimisme que les médecins pouvaient avoir à partir du mois de juillet, eh bien, dès le mois d'août et encore plus septembre et octobre, là, les cas compliqués et les décès augmentent très fortement, principalement par complications pulmonaires. Mmh. Séverine Yatard. Et donc, c'est à partir de cette deuxième phase, Frédéric Vanneron ou Freddy Vinet, que des précautions sont mises en place. Il y a un conseil d'hygiène. L'Assemblée commence à discuter, effectivement, de ces cas. Les médecins sont engagés aussi dans cette activité de prévention. Comment tout ça se met en place? Et c'était pourtant déjà mis en place à la fin du 19e siècle. Hein, vous le dites, Frédéric Vanneron, la question de l'hygiène est déjà primordiale à la fin du 19e siècle. Alors, je pense que pendant la Grande Guerre, ce qui est important de garder en tête, c'est cette organisation militaire de la médecine. Il y a environ 20 000 médecins en France, dont près de 17 ou 18 000 sont sous les drapeaux. Et ils sont sur le front. Et ils sont non sur le front ou à l'arrière. Dans les hôpitaux militaires. Dans les hôpitaux militaires ou pour s'occuper, par exemple, des usines de guerre. Et des travailleurs sous les drapeaux dans les usines de guerre. Donc ce qui est intéressant avec ce texte, c'est que finalement, les conseils à la population civile arrivent extrêmement tardivement. Et en l'occurrence, c'est le cas parisien, ici, qui est traité, puisque c'est une communication de la préfecture de la Seine, du comité d'hygiène de la préfecture de la Seine. Il y a finalement un dédoublement de l'alerte entre ce qui va se passer dans l'armée, avec une surveillance épidémiologique qui va détecter très tôt, dès le printemps, l'épidémie, et puis une information qui va passer pour la population civile de manière beaucoup plus complexe, à partir finalement de l'aggravation nette de septembre et d'octobre 1918. Et cela, c'est un des apports de l'historiographie la plus récente, Freddy Vinet, que de travailler en finesse, pourrait-on dire, sur les populations touchées. Nous ne parlons que de la France, nous parlerons peut-être des autres pays un peu plus tard, mais en l'occurrence, ces populations touchées, on va aussi les distinguer en matière sociale. Qui est touché? Est-ce que ce sont les classes les plus favorisées, les moins favorisées? Est-ce que vous notez, Freddy Vinet, qu'il y a 1355 femmes domestiques qui meurent entre 1918 et 1919 pendant les trois épidémies de grippe espagnole à Paris, par exemple. En gros, on s'intéresse à ces questions justement de répartition sociale de la mortalité dans la population des années 18-19. Oui, il y a à l'époque, déjà dès le 19e, une préoccupation sociale de la contagion, notamment autour de la tuberculose. Donc en fait, les médecins essaient de reproduire, de retrouver ça, et on a des études de cas, notamment en Nouvelle-Zélande, ou en Australie, en France aussi, à Paris, mais les démonstrations sont pas toujours très probantes, une liaison entre les conditions sociales dégradées, mmh, et puis la contagiosité par la grippe. Mais une des caractéristiques de cette grippe, c'est qu'elle a touché toutes les classes sociales, mmh, et on peut en juger par le nombre de personnes connues ou célèbres qui ont été touchées. Clémenceau a été malade, le président américain Wilson aussi malade. On suit toute la maladie et la convalescence du duc d'Orléans au mois d'octobre. Ça a quand même touché toutes les classes sociales, même si, par exemple, les conditions dégradées comme le manque de chauffage pouvaient aggraver les conséquences. Donc il y a eu des études, en particulier en Angleterre, sur le manque de chauffage qui a pu aggraver les conséquences. Mmh. Est-ce que la guérison, elle aussi, diffère selon justement les classes sociales? Puisque la question, c'est de savoir, faut-il rester chez soi? La question de la promiscuité, faut-il aller à l'hôpital? Est-ce qu'on ne meurt pas, en fait, quand on va à l'hôpital? Il y a toutes ces problématiques qui se posent. Il y a tout ça, oui. Et le docteur Debré le dit très bien dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a très peu de médicaments efficaces. Le premier médicament, et les médecins le disent clairement à l'époque, c'est le repos. C'est le repos et la prise en charge du malade. Or, on n'est pas dans une société du repos à l'époque. C'est la guerre. Tout le pays est au travail. Tous les pays sont au travail. Et en particulier les femmes. Donc ça, et les repos, il y a des chercheurs qui ont très bien montré ça, que on ne se repose qu'au dernier moment, quand vraiment on ne peut plus travailler. Et là, en général, il est trop tard. Frédéric Vanneron. Ce qui est intéressant avec cette grippe en octobre 1918 notamment, c'est qu'il y a à la fois ce qui va être considéré comme une grippe vraie et qui va souvent avoir une terminaison fatale très rapidement, et en même temps il y a toute cette dimension des complications de la grippe qui sont un problème médical de première importance. Les médecins vont constater dès août 1918 que l'aggravation, elle est causée tantôt par un épisode fulgurant de grippe, mais très souvent aussi par des complications bactériennes qui vont amener à des décès par bronchopneumonie, paropneumonie, etc. Et c'est finalement cette question-là des complications qui va être vraiment un des nœuds, notamment en France, pour les médecins qui vont chercher à résorber moins la grippe, qui reste une énigme. Ils ont beaucoup de difficultés, et on le voit aussi avec des mesures rudimentaires à éviter la contagion. Ils ont beaucoup de difficultés à aider la population à se protéger. Par contre, on va beaucoup chercher à prévenir ce qu'on constate qui est très grave, qui sont ces complications. Alors, on a un exemple d'une classe sociale plutôt privilégiée. Il s'agit du musicien Pierre Margaritis, qui tenait son journal et qui écrit donc dans son journal entre octobre 1918 et la fin d'octobre, puisqu'il va mourir le 30 octobre 1918. Voici ce qu'il écrit et comment il suit sa propre maladie. Une lecture de Nathalie Canoui. octobre 1918, Le Bourget. Je suis de plus en plus grippée et j'ai heureusement réussi à me faire évacuer sur un hôpital. Je ne sais où encore. Je sens que ce ne sera rien, mais je suis cependant très mal en train. 39 degrés 3 de fièvre, ce n'est pas beaucoup. Je vais tâcher de me faire aller à Buffon. 16 octobre, Buffon. Je suis arrivée ici avec 40 degrés 3 de fièvre. Congestion pulmonaire. Ce matin, 39 degrés 2. Je n'ai jamais été très mal en train. Je ne me sens pas gravement malade. Cependant, j'ai de l'albumine. Ce soir encore, un peu de fièvre, 39 degrés 9. Mais je ne me sens pas mal du tout et le médecin dit que ça n'est pas grand-chose. 18 octobre. Je suis assez fatiguée, mais j'ai un peu moins de température qu'hier soir. La courbe va en diminuant et je suis toujours pas mal en train. Je suis admirablement soignée. Que de piqûres. C'est une angoisse perpétuelle. Quelle horrible chose que l'hôpital. La nuit, j'ai des heures d'angoisse incroyables. 21 octobre. Je me sens toujours pas mal du tout. On n'a pas encore pris ma température. Je viens de passer une nuit presque entièrement dans le sommeil. 22 octobre. Ouf, 37 degrés 3. Cela n'est plus rien. C'est la guérison certaine. Et quelle angoisse avant de retirer le thermomètre. 24 octobre. Beaucoup mieux hier toute la journée. 38 degrés. C'était un peu de fièvre, ça n'est pas étonnant avec le débordement des piqûres, purges, potions, ventouses. Ce matin, 37 degrés 7. J'ai dormi d'un bloc. Mais il faut que je boive. Boive. Du lait, des tisanes. Je ne peux toujours pas lire les journaux, mais j'en vois les titres. 27 octobre. Fatiguée ce matin. 39 degrés de fièvre. Ça va me valoir une série de ventouses. Je suis fatiguée. Après une nuit où je n'ai pas arrêté de tousser. Je faisais des prodiges ce matin pour essayer d'atténuer ma température. Rien à faire. 28 octobre. Je suis bien fatiguée. Ce matin, 39 degrés 8. Hier soir, 40 degrés 2. On m'a fait dans la journée des piqûres nombreuses, dont une, effroyable. Un demi-litre de sérum. C'est à se demander où cela passe. Voilà donc les textes autobiographiques de Pierre Margaritis qui mourra au lendemain de cette dernière notation du 28 octobre où il se sentait bien fatigué, Séverine Yatard. Oui, on entend bien dans ce texte l'évolution, hein, les baisses de température, les hausses de température, enfin c'est le V grippal. Et puis on entend aussi un peu ce paradoxe, c'est-à-dire je suis bien à l'hôpital et en même temps on me fait des piqûres, à quoi cela sert-il? Voilà, on voit bien que ben, le malade, plus encore peut-être que les médecins, ne comprennent pas bien l'évolution de cette maladie. Et la plupart du temps, je crois, les malades restaient presque un mois à l'hôpital à se voir guérir, de nouveau être malade, penser guérir à nouveau. Frédéric Vagneron. Ce qu'on voit ici, c'est finalement l'expérience de la maladie au travers d'une correspondance, en l'occurrence à sa femme. Et on voit effectivement l'irruption d'un certain nombre d'éléments médicaux, la fièvre, à la fois celle qui est décrite avec la température qui est prise par le médecin et aussi son expérience lui-même, qui sont des éléments pour décrire cette expérience de la maladie qui est finalement extrêmement cyclique. On a l'impression qu'il va mieux et puis ensuite finalement il y a une rechute. Cette expérience, ce cours de la maladie, il est intéressant parce que finalement il y a autant d'histoires de la maladie que d'individus. Ah oui. Il y a aussi un certain nombre de personnes. On pense par exemple, je ne sais pas, à Grenadou, ce paysan qui a... Ephraim Grenadou. Exactement. Qui va être paysan atteint de la grippe quelques jours. Paysan du côté de la région de Chartres. Exactement. Qui va être atteint quelques jours. Et puis, ça fait trois lignes dans ses mémoires. Et ensuite, il est rétabli. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment cette expérience intime. Et en même temps, à l'hôpital, mourir à l'hôpital, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui quelque chose de commun. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui est, on mourrait d'habitude chez soi, à domicile. Oui, Frédy Vinet, c'est d'ailleurs peut-être un des apports de l'historiographie que d'individualiser ces 50 à 100 millions de morts. On est toujours un peu surpris d'ailleurs de voir que le calcul mondial de cette épidémie de grippe espagnole en 1918-1919 hésite entre la moitié ou le double, donc entre 50 et 100 millions de morts. Mais en tous les cas, on donne des noms à ceux qui sont morts par l'intermédiaire de ce genre de texte, en l'occurrence. Oui, oui. Là, c'est en fait, c'est un Pierre Margariti, c'était un ami de Roger Martin Dugard, qui a rendu compte de cette correspondance. Mais effectivement, je crois que c'est Staline qui disait que un mort, c'est une tragédie, et un million de morts, c'est de la statistique. Et effectivement, le bilan mondial n'est pas encore, à mon avis, tout à fait stabilisé. On connaît bien le bilan dans le monde occidental, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de chercheurs occidentaux qui se sont penchés sur le sujet, en particulier les chercheurs américains. Mais sur la Chine, en particulier sur la Russie, dont les archives en 1917, en 1918 n'étaient pas forcément très bien conservées, sur le monde ottoman aussi, on a sans doute pas totalement puisé dans les archives. C'est pour ça que l'écart entre 50 et 100 millions de morts est aussi vaste. Ça explique en partie la fourchette, oui. Ouais, Frédéric Vagneron. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe finalement d'une évaluation quantitative juste après la Première Guerre mondiale, où assez rapidement, on va dire que la grippe espagnole a causé plus de morts que la Grande Guerre, ce qui est phénoménal, juste après ces quatre années de conflit. Et puis finalement, jusqu'aux années 70, on l'a vu avec Debré, on va tourner autour de 15-30 millions de morts. Et puis il y a une inflation du nombre pour arriver à cette fourchette de 50 à 100 millions de décès qui est publiée en 2002, mais qui repose finalement sur des statistiques. Et des statistiques, c'est des constructions. Donc il y a un enregistrement des morts, il faut que ça soit écrit sur un certificat de décès. Et dans le cas français que j'ai étudié, dans les archives, on voit bien que c'est très difficile, puisque... On dit quoi, 240 000 morts pour la France ? C'est une fourchette également pour la France. Donc si c'est une fourchette pour un pays qui était quand même relativement développé en termes de médecine et de statistiques, même si les statistiques sanitaires en France n'étaient pas très aussi impressionnantes qu'en Angleterre. En France, la fourchette, c'est entre 150 et 250 000 morts. Frédéric Vinet ? Il y a des évaluations, en fait, les évaluations les plus récentes, c'est par surmortalité. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend les tables de mortalité, les courbes de mortalité moyennes, et on voit de combien elles sont dépassées, en fait. Vous voyez ça, par exemple, pour le département de l'Hérault. Vous êtes à Montpellier, en duplex avec nous, et vous êtes enseignant là-bas, par Paul-Valéry Montpellier. Frédy Vinet, vous avez fait des plongées dans les archives du département de l'Hérault en 18-19, et vous voyez, vous, la surmortalité, justement, pour la ville de Montpellier ou les villes alentours? Alors voilà pour des petits villages, par exemple, proches de Montpellier, dans les registres d'état civil, on voit très bien que pour un village de 600 habitants qui a en moyenne 10 décès par an, en 1918, on passe à 20 décès. Déduction faite des décès liés à la guerre. Il faut bien entendu enlever les décès liés à la guerre. Mais on voit très bien, et en particulier sur un des petits villages que j'ai étudié, on voit très bien que ces décès, ils ont lieu dans la semaine du 20 au 29 octobre 1918, avec un décès par jour. Et le profil des décès montre que pratiquement tous ces décès sont liés à la grippe, notamment parce qu'on a de jeunes adultes, ce qui ne cadre pas trop avec la mortalité normale, entre guillemets. On a beaucoup de décès de jeunes femmes, les jeunes hommes étant alarmés, évidemment. Mais on a beaucoup de... Et c'est une des caractéristiques dont on n'a pas encore parlé de cette épidémie. C'est qu'elle atteint principalement la classe d'âge 15 ans, 35 ans. C'est Brignata. Et c'est en cela aussi qu'elle est atypique par rapport à la grippe saisonnière. Et ce qui est intéressant, alors, c'est qu'à la fois vous dites, ben, il faut faire des études plus micro-localisées, donc changement d'échelle, on fait de la micro-histoire, et en même temps, il faut internationaliser aussi cette histoire, c'est-à-dire que les recherches portent maintenant sur la grippe espagnole, sur les autres continents. Et d'ailleurs, les chiffres varient proportionnellement à la population. Par exemple, effectivement, en Europe, sur 250 millions de personnes, il y aurait eu 2,5 millions de morts. En Afrique, sur 133 millions de d'habitants, 2,5 millions de morts. Donc là, on évalue à peu près les ravages faits par cette maladie de manière différente. Oui, alors pratiquement autant de morts en Afrique pour une population deux fois moindre qu'en Europe. Et puis, alors le gros contingent des décès, c'est l'Inde, avec pratiquement 18 à 20 millions de morts. Sans doute plus de 4 millions de morts en Indonésie aussi. Et puis, les taux de mortalité les plus élevés, c'est en Océanie, semble-t-il, ou aux îles Samoa occidentales, on a des taux de mortalité de 22%. C'est-à-dire que pratiquement le quart de la population décède de la grippe. Évidemment, on est dans des populations qui sont relativement vierges en termes d'immunité grippale aussi. Oui. Frédéric Vagneron. Sur ces évaluations. Sur les questions des évaluations, si on prend le cas français, c'est extrêmement difficile, par exemple, parce que les populations, on a beaucoup de mal à savoir combien est-ce qu'il y avait de personnes dans une ville quand tous les adultes masculins étaient au front, où est-ce qu'ils sont comptabilisés? Est-ce que leur décès, s'il y a un décès, il est comptabilisé dans les statistiques de l'armée ou est-ce qu'il est comptabilisé dans les statistiques civiles de la municipalité? Donc, vous le dites, effectivement, nous sommes dans un système relativement développé d'hygiène et de contrôle des populations dans le cas de la France, mais évidemment, ça n'est pas le cas dans l'ensemble du pays. Freddy Vinet dit dans son livre, par exemple, que pour l'Amérique latine, eh bien, on ne sait pas grand-chose parce que les systèmes de contrôle des populations au point de vue sanitaire sont bien moindres que qu'il ne l'était en Europe occidentale à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est que s'il y a un front de recherche en histoire sur la grippe espagnole, aujourd'hui, il se situe principalement sur ces autres espaces, avec des difficultés particulières, en raison des archives disponibles ou des lacunes des archives disponibles, et puis aussi des sens de la maladie qui sont différents. En Afrique, par exemple en Afrique de l'Ouest, un des grands problèmes, il y a une étude qui a été publiée au cours des années 1910-1920, c'est le problème de la peste. Et avec aussi tous les contrôles coloniaux, le problème principal, c'était la question de la peste. La grippe, finalement, va laisser qu'une mémoire très affaiblie. Alors, un autre extrait, un autre texte dans cette émission d'archives du mardi, lu par Nathalie Canoui. Nous sommes donc du côté d'Alès, une lettre d'un professeur de collège de jeunes filles au recteur d'académie. Madame la directrice est alitée depuis lundi, malade d'une grippe qui paraît devoir se prolonger. Elle est dans l'impossibilité absolue d'assurer son service. La concierge du collège, qui fait office de cuisinière à l'internat, est atteinte depuis le 1er octobre d'une grippe grave. Une des deux femmes de service vient de tomber malade à son tour. La seconde est retenue auprès de sa fille en danger. Le petit personnel est impossible à remplacer vu l'état sanitaire très mauvais de la ville. C'est à cette situation inquiétante qu'on attribue le nombre relativement faible des élèves rentrés le 1er octobre. Certaines familles ayant préféré prolonger leur séjour à la campagne ou garder leurs enfants momentanément chez elles. Naturellement, le personnel est tout disposé à faire tout ce qu'il pourra pour que le collège continue à fonctionner dans les meilleures conditions. Vous voudrez bien nous faire connaître, si vous le jugez nécessaire, les mesures qu'il convient de prendre. Octobre 1918, un professeur de collège de jeunes filles d'Alès écrit au recteur d'académie pour savoir ce qu'il faut faire, parce qu'on voit effectivement, Freddy Vinet, des communautés décimées, communautés villageoises ou communautés de travail. Il y a là de quoi ne plus faire fonctionner des hôpitaux, des lieux publics, des services de chemin de fer. Enfin, tout le monde est paralysé par le fait que beaucoup de gens sont touchés par cette grippe dite espagnole. Justement, les recherches sont encore assez faibles sur les perturbations sociales induites par la grippe. Mais on note au travers, notamment au travers des archives de l'armée, par exemple, que les institutions, donc comme l'armée bien sûr, l'institution scolaire, tous les spectacles, les théâtres ferment les uns après les autres faute de spectateurs. Et puis aussi, il faut bien dire que Faute d'acteurs peut-être aussi parfois, parce que les acteurs peuvent être touchés aussi par la grippe espagnole. Et faute d'acteurs comme dans les écoles, il n'y a pas de professeurs et puis il y a de moins en moins d'élèves. Hein. Et puis il faut bien dire aussi que les mesures qu'on préconise, c'est-à-dire la désinfection des tramways, des métros, etc. Ce sont des mesures, mais qui restent théoriques. On n'a pas le temps et on n'a pas suffisamment de personnes pour désinfecter, pour appliquer ces mesures. Et alors, il y a en particulier dans l'armée, on a des traces très précises, jour par jour, de l'incidence de la grippe sur l'armée. Et en particulier, on voit très bien que les hôpitaux du front au mois de septembre sont complètement gorgés de malades, tous les lits sont occupés, et à cette époque, l'armée française veut déclencher une nouvelle offensive. Eh oui. Et en fait, les médecins du front demandent au grand quartier général qu'on puisse évacuer des grippés vers l'arrière parce qu'ils n'ont plus de place pour accueillir des blessés. Mm-hmm. Oui, évidemment, on est à la porte de grippés partout. On est à la toute fin de cette Première Guerre mondiale et donc les belligérants veulent donner le coup d'assaut final. Et effectivement, c'est difficile quand on a une partie de sa population militaire grippée. Séverine Yatta. Donc il y a cette problématique du désencombrement de tous ces lieux collectifs. Et en même temps, c'est vrai que vous faisiez référence aux soldats. C'est-à-dire que si les soldats partent en permission, si les soldats malades sont reflux à l'arrière, est-ce qu'il n'y a pas danger aussi que du coup, il favorise la contagion dans les populations civiles. Frédéric Vanneron. Oui. Alors là, c'est finalement une décision politique. Les médecins militaires vont effectivement souligner le fait que maintenir les permissions, c'est risquer la propagation vers l'arrière de la maladie. Et il va avoir finalement un choix politique et militaire qui va être de maintenir les permissions, parce qu'au cours de la Grande Guerre, les permissions vont devenir de plus en plus un droit social pour les soldats et un moyen de maintenir le moral. Aussi. Éviter les mutineries aussi. Mmh. Exactement, c'est un moyen de maîtriser le moral et de leur laisser cette soupape qui consiste à pouvoir revenir à l'arrière. Et aussi dans le cas de la grippe, et ça on le voit très bien dans la correspondance des soldats à leur famille, il y a une réelle inquiétude des soldats quant au ravage de l'épidémie à l'arrière. Si le sens de la mobilisation des soldats, c'était d'aller défendre leur patrie et leur famille en s'engageant dès 1914, il y a une forme de rupture quand une épidémie à l'intérieur vient ravager les familles qu'on était censé défendre en se battant. D'autant qu'il y a quand même quelque chose qu'on a bien compris à ce moment-là. Déjà, c'est le rôle des transports et d'une sorte de première mondialisation, celle de la fin du 19e siècle, décrite par Susan Berger, dans la transmission des maladies, puisque nous n'avons pas encore abordé le chapitre de naissance de cette grippe espagnole. On sait que ça n'est pas l'Espagne, contrairement au nom qu'elle porte, mais on se pose la question, Freddy Vinet, de savoir si ça ne vient pas des États-Unis, en particulier du Kansas, et d'autres se disent, tout compte fait, on a eu des exemples de grippe plus récente qui avait pour foyer l'Asie, ne serait-elle pas aussi cette même Asie à l'origine de cette grippe espagnole? Et grâce au transport mondialisé du début du XXe siècle, eh bien, tout cela se serait propagé à très grande vitesse sur les autres continents. Oui, alors le rôle des transports de troupes dans la propagation mondiale de l'épidémie, ça c'est très clair. Et on voit très bien, en particulier pour l'Afrique du Sud, pour l'Inde, pour l'Océanie, on voit très bien que... La Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi. Voilà, Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. On voit très bien que les premiers cas, ils arrivent de l'Europe avec des transports de troupes, avec le retour des troupes. Ensuite, l'origine américaine de l'épidémie, elle a prévalu pendant longtemps, notamment après Crosby, là. Et parce que bon, Crosby, c'était pas Bing Crosby, hein. Faut préciser. Non. Vous parlez comme si c'était bien Alfred Crosby qui avait travaillé sur cette épidémie en 1976 et ensuite en 1989 et qui avait parlé de l'oubli de l'épidémie, oui. Voilà, l'armée américaine avait détecté les premiers cas en mars 1918, lors de la première vague, et on suit très bien l'évolution de ces cas dans les camps militaires et puis ensuite en Europe. En revanche, lors de la seconde vague, celle qui est plus mortelle, on voit les premiers cas mortels à Boston dans les bateaux qui arrivent d'Europe. Ah, donc ça irait dans les deux sens. Donc c'est un peu compliqué, la grippe se serait renforcée ou les facteurs pathogènes secondaires se seraient renforcés en Europe et puis auraient été exportés ensuite aux États-Unis. Donc c'est un peu compliqué. Et puis sur tout ce qu'on connaît de la grippe, alors après moi je ne suis pas virologue, mais ce qu'on connaît de la grippe aurait tendance à nous porter maintenant, depuis quelques années, il y a des articles qui montrent que l'origine asiatique ne serait pas impossible, mais on a beaucoup moins d'études sur les archives chinoises et sur la propagation depuis la Chine ou au travers de la Russie ou de l'Asie. Et là, on est un peu plus pauvre en archives. Frédéric Vagneron. Sur la question des transports, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à la grippe russe de 1889-90 jusqu'à cette pandémie de la fin du 19e siècle. On ne savait pas si la grippe était une maladie contagieuse. Ça va être un des grands savoirs qui est produit par les épidémiologistes notamment. Après la grippe russe, c'est de dire que finalement, c'est le mode de transport le plus rapide qui va expliquer pourquoi est-ce que la grippe russe va se déferler en Europe. Ça sera le train qui va être considéré comme le moteur de la contagion. Et donc, ça va être un élément très important. Vous en parliez hier avec cette question de l'infection ou de la contagion. Pour la grippe, c'est la grippe pandémique de russe qui va être le moment où on va dire, voilà, la grippe est contagieuse, elle se déplace avec les gens et elle si vite... avec ces gens qui prennent le train. Peut-être un deuxième point sur les origines de la grippe de 1918. Effectivement, il y a plusieurs hypothèses. Et là, il y a deux positionnements. Il y a le positionnement de l'historien qui travaille à partir des archives de l'époque. Et là, on voit que tantôt, on voit cette origine américaine. On voit aussi, mais c'est plus traditionnel. Hier aussi, Anne-Marie Moulin en parlait. L'épidémie vient souvent de l'Orient ou de l'Extrême-Orient. Donc l'hypothèse chinoise est aussi évoquée. Donc ça, c'est ce que les historiens peuvent voir et tracer d'une certaine manière dans les archives. Et puis, il y a les hypothèses virologiques des virologues qui ont été émises beaucoup plus tardivement. Mmh. Et là, effectivement, il y a cette hypothèse d'un virus porcin qui serait apparu aux États-Unis sans doute avant, mais on ne sait pas exactement quand. Et puis, il y a aussi une hypothèse beaucoup plus novatrice qui aurait été que le nouveau virus serait apparu dans des camps de soldats britanniques en France, parce qu'il y avait une très forte promiscuité entre des soldats, des animaux. Mais là, on voit qu'on apporte des hypothèses qui résultent de savoirs beaucoup plus tardifs. Mais justement, une fois la contagiosité de la maladie déterminée, je pense aux expériences précédentes des sociétés, et je pense évidemment à la peste. Durant les dernières pestes justement du XVIIIe siècle, il y a tout un système sanitaire qui est mis en place, et notamment la mise en quarantaine des bateaux, et qui fonctionne assez bien, hein, même si à Marseille, il va y avoir, on en reparlera jeudi, il va y avoir un bug, on va dire. Mais il n'empêche que là, les sociétés avaient compris quand même que, voilà, il y avait certaines mesures à prendre, d'isolement, de mise en quarantaine. Et là, il semblerait qu'il y ait des dysfonctionnements, en tous les cas, qui vont se produire concernant la grippe. Ou alors on n'y croit pas, à un retour d'une maladie ravageuse. Frédéric Vagneron, puis Frédéric Vinet, rapidement. Sur la quarantaine, effectivement, pour la grippe, la maladie se propage tellement rapidement que la quarantaine ou l'isolement strict est très difficile. Mais on peut juger qu'ils n'ont pas effectivement mis en place des méthodes de quarantaine à cette époque-là, aujourd'hui encore. C'est des méthodes qui ne sont pas recommandées par l'OMS parce que c'est extrêmement difficile. C'est un virus qui se répand de manière aérosol et c'est extrêmement difficile de contrôler. Oui, Frédéric Vinet. Oui, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. La grippe est considérée comme une maladie peu grave et ça n'est pas une maladie en France, en particulier à déclaration obligatoire. contrairement au typhus ou au choléra, etc. Et en Nouvelle-Zélande, le navire qui fait la liaison entre la Nouvelle-Zélande et les îles Samoa, lorsqu'il arrive aux Samoa, on sait pertinemment qu'il y a des grippés à bord. Mais on les laisse débarquer parce qu'on considère que la grippe n'est pas grave et parce que les compagnies de transport ne veulent pas perdre des bénéfices. Et elles estiment que les grippés, ça n'est pas une déclaration obligatoire, ça n'est pas une maladie grave, donc on laisse débarquer. Oui, donc ça n'est pas le cas partout, mais voilà, il y a une minimisation de la grippe en tant que maladie contagieuse. Et puis, comme le disait Monsieur Vanuron, les symptômes de la grippe sont compliqués à voir. Voilà. Parfois, on embarque des personnes saines et puis elles déclarent la maladie deux ou trois jours plus tard. Ouais, et c'est là où on voit effectivement le travail des derniers chercheurs qui travaillent sur ces questions, Frédéric Vanuron, l'idée que l'on est pris dans un moment dont on ne connaît pas la fin. On n'a pas encore évoqué, et on n'aura pas le temps de le faire, la troisième vague, celle du printemps 1919, mais on va décréter à un moment que cette grippe s'arrête, et en fait, au bout du compte, elle va continuer, puisque elle va redémarrer au printemps 1919. On est pris dans le flux, pourrait-on dire, sans jeu de mots, avec le terme anglais, pour pouvoir évoquer la grippe. Effectivement, on a pu reconstituer, encore une fois, a posteriori, différentes vagues de cette pandémie, en particulier en Europe occidentale et dans les pays du Nord, dans les pays d'Amérique du Nord. Et il y a une vague, effectivement, à l'hiver 1918, qui a été globalement oubliée ou ignorée, en particulier, par exemple, dans le cas français, parce que c'est au moment de la démobilisation de la Grande Guerre et que tout le système dont on a parlé plus tôt, d'organisation de la médecine militaire pendant la guerre, est démantelé. Ouais. Et donc c'est encore plus difficile, c'était déjà extrêmement compliqué, c'est encore plus difficile de suivre les cas. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là on est sur une chronologie très européano-centrée ou nord-américaine, mais la pandémie de grippe espagnole, elle va aussi continuer à se développer en 1919-1920 dans des territoires plus isolés. Par exemple, au Samoa, on en a parlé, ou au nord de la Finlande, dans les ethnies et Sami, ça va encore ravager les populations au début des années 20. Oui. Et donc, d'une certaine façon, il faudrait parler d'une grippe espagnole qui commence en 18, mais qui se termine peut-être au tout début des années 20 et peut-être même un peu plus tard, même si la masse des gens qui ont été fauchés par la grippe, c'est effectivement entre le milieu de 1918 et le milieu de 1919, en l'occurrence. Voilà, il y a un épisode plus aigu, effectivement, qu'on a défini comme la deuxième vague, par exemple à l'île de la Réunion. Le moment le plus critique de la grippe espagnole, c'est au printemps 1919. On n'est pas dans le même hémisphère et c'est aussi par les transports dont on a parlé que la maladie va se propager. On le voit, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette grippe espagnole qui visiblement est un objet d'étude très intéressant pour les virologues, pour les épidémiologues, pour les historiennes et pour les historiens. Notons que Laura Spinet vient de publier chez Albin Michel « Comment la grippe espagnole a changé le monde » et que vous êtes l'auteur, Freddy Vinet, de « La grande grippe 1918, la pire des épidémies du siècle » chez Vendémiaire. On attend la publication de votre propre travail, Frédéric Vanuron. Ça viendra dans combien de temps, la publication de votre thèse ? Alors, ce sera une thèse qui... Ce sera une publication qui portera plus sur la période que sur la grippe espagnole, puisque c'est, à mon avis, justement ça qui est intéressant, de réinsérer cet épisode de la grippe espagnole dans un temps un peu plus long de la compréhension et de l'expérience de ces épidémies. Donc ça sera donc d'ici quelques mois ou un peu plus de quelques mois pour la publication de votre travail de thèse qui commencera aux alentours de 1889 avec cette grippe russe et se terminera avec cette fameuse grippe espagnole dont on a parlé aujourd'hui grâce à des textes qui ont été lus par Nathalie Canoui et choisis par Séverine Yatta. On vous retrouvera demain, Séverine, donc pour une autre émission qui sera consacrée. Alors comment les archéologues, les anthropo-archéologues travaillent maintenant sur justement les épidémies grâce à cette discipline, et notamment sur la peste. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Bruno Gagnin-Fontani était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.